Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er novembre 2016. C'est la Toussaint. Bonne fête à tous les chrétiens. Les grands titres de ce journal. Une personne est morte et trois autres blessés dans une explosion de grenades lancée sur elle à Rohingya, en commune et province Moanvia. Ces commerçants de vaches rentrés du marché de Kouibouye et de fidèles de l'église méthodiste libre, dont un pasteur, ont été enlevés par des hommes armés cette nuit sur la colline Buringa. Nous sommes en commune Gihanga de la province Bubanza. À partir de ce 1er novembre 2016, le stationnement sur les voies publiques en mairie de Bujumbura est payant pour les véhicules assurant le transport rémunéré et non rémunéré. Explication avec le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima. Et l'association burundaise des pédiatres montre dans une étude faite que les enfants et les adolescents vivant avec le VIH-Sida manquent de médicaments pédiatriques. C'était hier, lors de la restitution de cette étude. Et en actualité internationale, le pape François effectue depuis ce lundi une visite en Suède. Objectif, consolider la réconciliation avec les protestants. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Une personne a été tuée et trois autres blessés suite à une grenade qui a été lancée hier soir vers 21h. Nous sommes sur la colline Rohingya de la commune et province Moranvia. L'administrateur communal de Moranvia indique que les quatre venaient du marché de vaches à Kouibouye. C'est dans la commune de Routegama en province Moranvia. L'auteur du forfait n'a pas été identifié. Toujours à Moranvia, le directeur de l'école primaire de Wiganda est en prison depuis une dizaine de jours. Il est accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans qui étudie à la dite école. Des sources sur place indiquent que le dossier suit son cours normal en justice sans beaucoup plus de détails. Je venais de vous le dire, le stationnement sur les voies publiques en mairie de Bujumbura est payant pour les véhicules assurant le transport à partir de ce 1er novembre 2016. C'est ce qu'a dit le maire de la ville de Bujumbura dans une réunion tenue dans l'après-midi de ce lundi avec certains partenaires des associations qui travaillent dans le domaine du transport et les médias. Freddy Mbonima a en outre fait savoir que ces décisions cette décision d'instaurer le système de parking payant est valable pour les véhicules assurant le transport rémunéré et non rémunéré. Suivez les explications de Freddy Mbonima. Camion remorque transport local, 100 000 francs par mois. Camion simple d'une capacité de 10 tonnes et plus, 40 000 francs bout. Camion simple d'une capacité inférieure à 10 tonnes, 30 000 francs bout. Camion ben, 30 000 francs bout par mois. Camionnette transport en ville, 15 000 francs bout. Bus de marque Waster, 30 000 francs bout. Bus de marque IAS, 21 000. Taxi voiture, 15 000. Cyclomoteur tuk-tuk, 10 000. Taxi moto, 5 000. Taxi vélo, 2 000. Section 2 des transports non rémunérés. Les emplacements de stationnement payants sont délimités par des bandes tracées sur le sol des chaussées et des points de stationnement concernés. Ils sont signalés par une matérialisation au sol indiquant que le stationnement est payant. La gestion des points de stationnement est confiée à une personne morale en vertu d'une convention. Le recouvrement des droits de stationnement est assuré au moyen d'un ticket de stationnement payable comme suit. Pour chaque stationnement, le ticket de stationnement est fixé à 300 francs bout par heure. Pour chaque heure supplémentaire, le ticket de stationnement est fixé à 300 francs. Pour un stationnement d'une une durée maximale de 12 heures. Le ticket de stationnement est fixé à 2000. Ce ticket est valable pour une seule journée. Pour un stationnement mensuel, le ticket de stationnement est fixé à 30 000 francs bout par véhicule et ce ticket est valable pour le mois en cours. Le paiement des droits de stationnement se fait par versement bancaire au compte ouvert au nom de la mairie de Bujumbura pour cet effet et au plus tard le 5 de chaque mois. Freddy Monima, le maire de la ville de Bujumbura. Les problèmes auxquels font face les enfants et les adolescents vivant avec le VIH-Sida sont entre autres le manque de médicaments pédiatriques. Cela a été dit ce lundi par Fabien Dicurio. C'est le président du réseau national des jeunes vivant avec le VIH-Sida. C'était à l'occasion de la restitution de l'étude sur l'évaluation des politiques et directives en faveur des enfants et adolescents infectés ou affectés par le VIH-Sida. Une étude faite par l'association burundaise des pédiatres Aboupeb en sigle. Les détails avec Evrard Havzariman. L'annonce de la sérologie, les effets secondaires des antirétroviraux et la discrimination sont entre autres auxquels font face les enfants et les adolescents infectés ou affectés par le VIH-Sida. À cela s'ajoute le manque des médicaments pédiatriques. Cela a été précisé par Fabien Dicurio, le président du réseau national des jeunes vivant avec le VIH-Sida. Les problèmes que font face les adolescents et les enfants vivant avec le VIH, c'est entre autres le manque des médicaments pédiatriques pour ces enfants et pour ces adolescents. Selon le pédiatre Deogracias Nyungeko, le président de l'association burundaise des pédiatres Aboupeb en sigle, indique qu'il y a une augmentation remarquable de la couverture du traitement antirétroviral tant pour les adultes que pour les enfants. Ou un taux de couverture en antirétroviral chez l'adulte dépassant plus de 70%, alors que chez l'enfant, il ne dépasse guère 20%. Vous voyez que il y a vraiment une lacune terrible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avènement des antirétroviraux a permis aux adultes et aux enfants vivant avec le VIH de passer de la logique de mort à la logique de vie. Mais nous voyons qu'il n'y a pas d'équité dans l'accès à ces traitements. Les adultes en bénéficient plus que les enfants. Nous voulons alors, avec ce projet, lever ce défi. La faible couverture des antirétroviraux chez les enfants et les adolescents a été attribuée à plusieurs facteurs, y compris la prise en compte des enfants et des adolescents dans les politiques et directives de prise en charge, les connaissances limitées, les compétences des professionnels de la santé, ainsi que des soins et du soutien des enfants et des adolescents infectés ou affectés par le VIH-Sida. Claude Evrard, Havzariman. Être dans la communauté est-africaine procure pour le Burundi des avantages, notamment la libre circulation des biens et des personnes et autres. Cela, c'est ce qui a été dit par la présidente de la commission parlementaire des députés de la communauté est-africaine au cours d'un atelier de sensibilisation organisé par les députés burundais au sein de l'EALA à l'intention des journalistes ce lundi. Selon Emerance Bouchoumi, ces députés préconisent effectuer des descentes à l'intérieur du pays, surtout dans les provinces du nord du Burundi, là où cette communauté est en train de réaliser différents projets de développement, notamment les projets d'adduction d'eau. Suivez Emerance Bouchoumi, traduit par Emeline Nivogora. Urusho rero buriho buruzuye usanzwe bivanye n'amasezerano ibihugu byagiye biragira. Les profits sont nombreux suite aux conventions faites entre les États de la communauté, parmi lesquels figure la libre circulation des biens et des personnes. Que beaucoup d'élèves sachent qu'il existe des avantages d'étudier dans les pays de la communauté, notamment dans les universités de Makerere, de Nairobi, où les étudiants de la communauté payent le minerval équivalent à celui des nationaux. Il existe également d'autres projets, notamment la construction de la route de la Tanzanie vers le Rwanda en passant par le Burundi. Il y a également un autre projet de construction du chemin de fer. Les commerçants vont en profiter pour exercer leur commerce. Nous contribuerons également dans le projet d'adduction d'eau dans les provinces de Kirundo, Ngozi et Muyinga où l'on observe un manque d'eau au mois d'été. C'était Emerance Bouchoumi, traduite par Emeline Nibogora. Et l'association Sogepaye, qui lutte pour la défense des droits des enfants, suggère aux parents des élèves qui ont échoué en 9e et en 10e année de trouver des moyens qui permettraient à ces enfants de poursuivre leurs études dans le cadre du renforcement. David Ninganza, chargé de la communication au sein de Sogepaye. C'est le moment fort maintenant de réfléchir suffisamment. Comment aider ces enfants au niveau de l'encadrement? J'en profite pour demander aux parents de s'unir, de prendre toutes les précautions nécessaires, surtout de payer ce qu'on appelle renforcement de ces enfants. Maintenant, au niveau des écoles, les écoles s'organisent les directions en collaboration avec les parents pour préparer les enfants avec l'année scolaire en cours. Alors, qu'ils associent aussi la question de ces enfants qui sont aujourd'hui dans la rue. Nous demandons aussi aux autorités scolaires, surtout au niveau des communes, au niveau des provinces, donc ne pas déstabiliser vraiment ce système si une fois les parents s'organisent, que plutôt ces autorités scolaires rassemblent les idées et aident pour que ces enfants aient un encadrement sage et pacifique. J'en profite pour demander aussi aux autorités de l'administration, parce que c'est l'administration qui devrait encadrer la population en général et très particulièrement ses enfants. Je demande aussi aux leaders du ministère de l'Éducation plutôt d'encourager ce système, que les parents prennent la responsabilité si une fois le ministère de l'Éducation n'est pas capable de tenir l'effectif qui s'impose aujourd'hui dans les écoles. Éducation toujours avec l'Union des personnes handicapées visuelles qui demande au gouvernement burundais de construire de nouveaux établissements pour les personnes handicapées et pourquoi pas mettre en place une université pour cette catégorie. Jean-Marie Hindaïsaba estime que la seule école des handicapés située à Gitega ne suffit pas. Les enfants qui ont passé l'examen de 9e année, qui ont échoué, maintenant ils sont à la maison. Ils n'espèrent pas l'avenir. Alors, nous demandons à l'État pour prévoir l'avenir de ces enfants. Et nous demandons encore qu'ils puissent chercher les outils comme des machines qui peuvent les aider et former les éducateurs pour suivre bien ces enfants. Mais il y a un centre à Gitega qui accueille les personnes handicapées, y compris les handicapés visuels. Vous trouvez que c'est suffisant? Le seul centre ne suffit pas. C'est pourquoi nous demandons à l'État de multiplier les centres qui peuvent acquérir ses enfants et prévenir l'université qui peuvent aussi les accueillir. Parce que ceux qui sont en train de suivre les études, il n'y a pas l'université qui peuvent les accueillir. Jean-Marie Hindaïsaba de l'Union des personnes handicapées visuelles au micro de Mireille Kanyangé. Il est 13h07 à Bujumbura, une pause et nous appelons certains de nos correspondants à travers le pays. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux personnes ont été enlevées par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés au cours de cette nuit sur la colline Buringa de la commune Gihanga en province Bubanza. Bwenge Albert, un pasteur à l'église méthodiste libre de la même colline, et Baranyikwa Abel, fidèle à la même église, ont été kidnappés aux environs de 20h alors qu'ils venaient de l'église. Spes Caritas Kamanyana. C'était la désolation totale dans les familles de Bwenge Albert et de Baranyikwa Abel ce mardi matin, malgré l'assistance morale et la consolation des voisins. C'est alors à 20h passées de quelques minutes au cours de cette nuit de lundi à mardi que les deux hommes se sont vus encerclés par un groupe d'hommes armés et en tenue militaire alors qu'ils venaient de l'église pour une prière aux malades selon les témoins sur place à Buringa. Les agresseurs ont alors capturé les deux victimes et sont partis avec elles à travers la réserve naturelle de la Rukoko selon les personnes qui observaient la scène en cachette et qui ont alerté alors les forces de l'ordre. Malheureusement, les militaires ont essayé de poursuivre et de chercher un peu partout dans la Rukoko, mais sans succès, selon le chef de colline contacté ce mardi matin. Un voisin qui a tenté d'appeler sur le téléphone de l'une des victimes a été répondu par un inconnu qui a dit, je cite, « Il est dans nos mains et vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite. Il faudra essayer plus tard. » Fin de citation. Les enlèvements sont donc régulièrement enregistrés dans cette commune de Gihanga où les ravisseurs exigent par après des rançons pour relâcher les victimes. C'est Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Et certains des habitants du centre de négoce de Wihiga, de la province Karusi, s'insurgent contre le comportement des jeunes du parti au pouvoir. Selon ces habitants, ces jeunes font des rondes nocturnes pendant lesquelles ils bloquent les routes et les pistes et maltraitent les personnes qu'ils rencontrent. L'administrateur communal indique être au courant de ces comportements et signale que l'administration communale, en collaboration avec la police, vient de suspendre ces rondes nocturnes. Blaise Pascal Kararoumié pour les détails. Selon certains habitants du centre de négoce, qui est au chef-lieu de la zone et commune Vohiga de la province Karusi, les jeunes du parti au pouvoir de ce centre et des environs veulent se faire la loi dans cette localité. Ils signalent que ces jeunes font des rondes nocturnes, bloquent au cours de la nuit des routes et les pistes. Ils font savoir que les personnes qu'ils rencontrent au cours de ces rondes nocturnes sont battues et maltraitées de diverses façons, jusqu'à la confiscation même de leurs biens. Le chef de colline Vuhiga confirme que certaines personnes sont maltraitées par ces jeunes Imbonerakure jusqu'à ce que certains de ses habitants avaient pris fuite pour se réfugier même à l'étranger. Bonihanguye André, qui est aussi un membre du comité mixte de sécurité au niveau de la commune Vuhiga, signale que suite à ces travaux de ronde nocturne de ces jeunes, certains habitants, en particulier ceux du site des déplacés de Vuhiga, ont déjà demandé qu'ils se sécurisent eux aussi en faisant des rondes nocturnes comme ces jeunes. Son responsable colonel indique avoir soumis ce problème aux autorités hiérarchiques et même à la police. L'administrateur communal de Vuhiga affirme qu'ils ont déjà pris la mesure de suspendre les activités de ronde nocturne de ces jeunes. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumier pour la radio Isanganiro. On termine le tour de nos correspondants par Muyinga, où des habitants sont obligés d'aller à Bujumbura chercher certains documents, comme l'extrait du casier judiciaire, le laissez-passer et le permis de conduire, alors qu'une pancarte montre les bâtiments où ces services devraient être rendus à Muyinga. Pour le conseil économique du gouverneur de la province de Muyinga, on attend encore le lancement officiel du programme de décentralisation des services concernant 5 provinces pilotes. Dieudonné Zeyman. À une trentaine de mètres devant les bureaux du gouverneur de la province Muyinga, les pancartes orientent les passants vers un bâtiment abritant un guichet unique de certains services offerts à la population. Ce bâtiment, à gauche du bureau du gouverneur, devrait fournir certains services tels la livraison de l'extrait du casier judiciaire, le permis de conduire ou encore le laissez-passer. Les bureaux restent fermés. L'extrait du casier judiciaire est le plus recherché ces jours par ceux qui désirent intégrer le code de sécurité. L'obligation d'aller à Bujumbura chercher ce document bloque certains volontaires pour le niveau d'officier. En cette période d'innovation vers le permis de conduire biométrique, certains détenteurs de permis regrettent que jusqu'à aujourd'hui, le permis est délivré à Bujumbura malgré les annonces incessantes de décentralisation des services depuis 2014. Pour Baden de Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, ce programme de décentralisation est exécuté étape par étape. Les bâtiments ont été réfectionnés, le bureau équipé, le personnel recyclé à cet effet, mais l'autorité locale attend comme les citoyens l'ensemble de ce guichet unique, projet en cours dans 5 provinces pilotes. Yodone Nzeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Les résultats provisoires du référendum en Côte d'Ivoire donnent le oui en tête après que la commission électorale ivoirienne a publié ses résultats ce mardi matin. Et au Maroc, de nouvelles manifestations se poursuivent à travers le royaume après la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. C'était vendredi soir à Al-Oseima. Et le pape François est en visite en Suède depuis ce lundi pour consolider la réconciliation avec les protestants. Les détails avec Dorine Ndairorere. En Suède, lors de la rencontre historique ce lundi entre catholiques et luthériens réunis autour du pape François, c'est le témoignage commun face à la persécution qui a surtout été mise en avant. Le pape François appelle cela l'écuménisme du sang. Face à la persécution, il n'y a plus ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes. Rien que deux chrétiens inutiles dans le témoignage suprême de leur foi. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, le pape a ainsi salué le courage héroïque des chrétiens syriens qui aident ceux qui sont dans le besoin dans ce pays ravagé par 5 ans de guerre civile. Le chef de l'Église catholique en a profité pour demander la conversion des politiques responsables de cette situation. En Côte d'Ivoire, la commission électorale ivoirienne a donné jusqu'à ce mardi matin au compte-gouttes un peu plus de la moitié des résultats provisoires. Les résultats définitifs du référendum sont toujours attendus, mais les tendances sont favorables au oui. Selon le site de la BBC, le véritable enjeu de ce scrutin était le taux de participation. Pour l'instant, il se situe autour de 40%. Ce chiffre cache de grandes disparités. Les résultats de la diaspora montrent de forts taux d'abstention allant jusqu'à plus de 95%. Et au Maroc, alors que le gouvernement marocain a promis de lucider les circonstances de la mort atroce d'un vendeur de poissons, pour la 4e journée consécutive, quelques milliers de Marocains ont de nouveau manifesté ce lundi à Al-Oseima, dans le nord du pays, pour dénoncer la mort de Mouchine Fikri. Ce poissonnier a été broyé dans la benne d'un camion à ordures alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par des agents de la ville. Selon le site de France 24, les manifestants ont, comme la veille, rendu hommage au martyr Moussine, crié leur rejet de la Ogra, exigé que les assassins soient punis. Dorine Ndayirorere, ainsi se referme ce journal. Je rappelle qu'une personne est morte et trois autres blessées dans une explosion de grenades lancée sur elle. La Rohingya, en commune et Provence et Mouramvia, ces commerçants de vaches rentrés du marché de Kouibouye. Deux fidèles de l'église méthodiste libre, dont un pasteur, ont été enlevés par des hommes armés cette nuit sur la colline Mouringa, en commune de Guihang, de la province Boubanza. À partir de ce 1er novembre 2016, le stationnement sur les voies publiques en mairie de Bujumbura est payant pour les véhicules assurant le transport rémunéré et non rémunéré. Et l'association burundaise des pédiatres montre dans une étude de fait que les enfants et les adolescents vivant avec le VIH et SIDA manquent de médicaments pédiatriques. C'était hier lors de la restitution de l'étude sur l'évaluation des politiques et directives en faveur des enfants et des adolescents infectés ou affectés par le VIH-SIDA. Une étude de fait, comme je le disais, par l'association burundaise des pédiatres ABUPED en sigle. Et vous l'avez suivi, le pape François effectue depuis ce lundi une visite en Suède. Objectif consolider la réconciliation avec les protestants. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne journée et surtout une très bonne fête de la Toussaint à tous les chrétiens. Bon après-midi.